Ah, mes amis, vous le savez, hier est sorti au cinéma une des plus grandes escroqueries de 2005, le film d'Olivier Stone, Alexandre. Et oui, c'est une pâle copie d'un chef-d'œuvre qui date déjà d'il y a 8 ans. Ça s'appelait Zouzou Alexandre et ses amis PD. Une histoire de grand conquérant également. Ah, vous allez vous en rendre compte par vous-même, j'ai apporté avec moi un extrait de ce film. Et vous allez voir, c'est du sérieux. Nous sommes en l'an 1997, l'empereur de la brigade arrière, Zouzou le Grand, fête son anniversaire. En tant que grand conquérant, ses amis doivent se soumettre à toutes ses volontés. Cher Zouzou le Grand, tes désirs des conquêtes sont des ordres. Quel pays veux-tu envahir aujourd'hui, jour de ton anniversaire? Bah, je sais pas, ou la Queen peut-être? Ok, va pour la Queen. Zouzou Alexandre, au nom de tous tes amis, je suis fier de t'offrir le Queen pour ton anniversaire. Bah oui, c'est alors, je serai content. Ça vous plaît? Bah oui, c'est pas mal, mais c'est un beau cliché. Zouzou Alexandre, il vous donne la surprise. Des hommes vrais, des hommes nature, difficiles à séduire, pas prêts à tomber de cru tout lu de mon lit. Ouais, bon, fais quoi alors? Charles, Zouzou le Grand, j'ai un petit village, un petit bar auvergnat. Là-bas, ils sont pas habitués aux gens de la truffe comme Zouzou. Là, au moins, ils pourraient les séduire de A à Z, et du coup, ils pourraient retrouver son esprit de conquête. Mais c'est magique, le Zouzou, il adore ton idée, oh Valérie! Le Zouzou va séduire du bougnat, les culbutés dans la paille! Banco. Et merde. Mais c'est génial, le Zouzou, trop content, sa race! Et là, comme le petit colibri tapette, il voit autre le colibri tapette, et les deux vers boum boum, et puis bah... Mao, qu'est-ce qui t'arrive, Zouzou? Mais je suis tombé amoureux de mon corazon, là-bas, gros paysan avec sa fourche. Alors là, moi, je suis formidable. Oui, attendez, c'est pas gagné. Ah, merde. C'est qui, ce mec qui s'approche? Alors, comme ça, on fait du tourisme, répétez. Bah oui, on a fait des trucs avec toi. Oui, bah nous et moi et mon copain, on a fait des trucs, on va vous rentrer dedans. Mais c'est super. Rentrer dans ta gueule, bien sûr. Et merde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oui, qu'est-ce qui va se passer? Baston général ou bien partout? Vous le saurez en allant louer la cassette de ce film, évidemment. Un chef-d'œuvre, je vous le dis. Oh, allez, au vidéo, Zen.